Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 63. De la malice des anges. Les anges, dans le principe, ont pu pécher par orgueil et par envie. Ce que signifie vouloir être semblable à Dieu. À quel moment le démon est devenu mauvais? Quel fut le premier ange prévaricateur? Effet de son péché sur les autres. 1. Les anges pouvaient-ils pécher? La volonté divine est seul exemple de péché, parce que, ne se rapportant pas à une fin plus élevée qu'elle, elle est la règle même de ses actes. Si la main de l'artisan était la règle de l'entaille qu'elle fait, le bois serait toujours bien coupé. Mais si l'entaille doit être appréciée d'après une autre règle, elle pourrait être juste ou ne l'être pas, et le bois sera bien ou mal taillé. Or, comme la volonté des créatures n'est droite que par sa conformité à la volonté de Dieu et qu'elle n'est pas sa propre règle à elle-même, toutes les créatures raisonnables sont par leur nature sujettes à péché. Le péché consistant à s'écarter de la rectitude qu'un acte doit avoir. La volonté de l'ange, prise dans sa condition naturelle, a donc pu faillir, comme celle des autres créatures, en ne se conformant pas à la volonté de Dieu, qui est la fin dernière. Note. Remarquez ces mots « prise dans sa condition naturelle », car on vient de voir, question précédente, que les anges qui contemplent l'essence divine ne peuvent plus pécher, ils n'ont pas été créés dans la gloire, ils ont dû la mériter, et c'est alors qu'ils pouvaient pécher. Les mauvais péchèrent en recherchant leur bien propre, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Fin de la note. 2. Les anges ne peuvent-ils pécher que par orgueil ou par envie? Le démon, dit saint Augustin, n'est ni fornicateur, ni ivrogne, ni livré à d'autres vices semblables, mais il est superbe et envieux. Les anges mauvais peuvent être accusés de toutes sortes de péchés, puisqu'ils excitent à tous les vices. Mais, au point de vue de l'affection, ils ne peuvent commettre que les péchés propres aux êtres spirituels, qui ne sont affectés que par les biens de l'ordre spirituel. Or, dans l'affection aux biens spirituels, le péché ne se conçoit que par l'insoumission à la règle du supérieur, dont on ne veut pas reconnaître l'autorité, de là l'orgueil. L'orgueil, voilà donc le premier péché des mauvais anges. L'orgueil enfante l'envie. Ils s'affligèrent bientôt du bien de l'homme, et même de la supériorité de Dieu, qui les fit servir à sa gloire. Maintenant encore ils se réjouissent des péchés qui détruisent notre bonheur. Note. L'orgueil et l'envie donnent lieu, dans les démons, à beaucoup d'autres vices. Fin de la note. 3. Le démon a-t-il désiré d'être comme Dieu? L'ange a péché par le désir d'être comme Dieu, mais cette expression présente deux sens, on peut l'entendre de l'égalité ou de la ressemblance. Croire que le démon a voulu s'égaler à Dieu, ce serait une erreur. Il savait par ses lumières naturelles que la créature ne saurait être égale à Dieu. Ce désir, d'ailleurs, eût été contraire à l'inclination naturelle par laquelle tout être veut sa conservation et non sa transformation en un autre être. Satan n'a donc pas voulu être l'égal de Dieu, mais il a désiré être comme Dieu, semblable à Dieu, ce qui est bien différent. Voici, en effet, le langage que le prophète Isaïe lui fait tenir. Je monterai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Isaïe 14. On demandera sans doute si c'est un mal que de désirer d'être semblable à Dieu. Il faut distinguer. Ce désir est un bien dès que l'on veut tenir cette ressemblance de Dieu même, en se renfermant dans les limites légitimes, mais il est un mal quand il est déréglé. Ainsi, par exemple, vouloir s'arroger la puissance de créer, qui dépasse infiniment les facultés de toute créature, ce serait un mal, car la création est le propre de Dieu. Le démon a voulu être semblable à Dieu, soit que, renonçant à la béatitude surnaturelle qui lui était offerte, il ait choisi pour sa fin dernière ce qu'il pouvait obtenir par ses puissances naturelles, soit que, désirant comme fin dernière la ressemblance avec Dieu au moyen de la béatitude, il ait voulu l'obtenir par les forces de sa nature, sans le secours de la grâce. Ces deux explications disent au fond la même chose, dans l'une et dans l'autre, le démon voulut conquérir sa béatitude finale par les seules forces de sa nature. Il voulut aussi ressembler à Dieu par la domination sur les créatures. 4. Y a-t-il des démons qui soient naturellement mauvais? Les démons ne sont pas mauvais par nature, ils le sont devenus par leur volonté. Rien n'existe sans une tendance quelconque vers le bien. La nature intellectuelle se rapporte au bien universel, qui est l'objet de la volonté, elle veut du moins le percevoir. Ainsi, comme substance intellectuelle, les démons ne sont pas naturellement mauvais. 5. Dans le principe, le démon était-il bon? De ces paroles de la Genèse, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient bonnes. Genèse 1, on peut inférer qu'au moins pendant un instant le démon a été bon. Voici ce que dit Isaïe, qu'il apostrophe dans la personne du roi de Babylone. Comment es-tu tombé des cieux, Lucifer, toi qui brillais le matin? Isaïe 14, 12. Ces paroles démontrent que le démon n'a pas été mauvais dès le premier instant de sa création. 6. A-t-il péché immédiatement après ce premier instant? Oui. Car saint Jean nous dit que le diable n'est pas demeuré dans la vérité. Jean 8, 44. Il y a été créé, reprend saint Augustin, mais il ne s'y est pas tenu. Il y a, toutefois, deux sentiments à ce sujet. Si l'on admet, avec nous, que le démon a été créé dans la grâce et que, dès le premier instant de son existence, il a fait usage de son libre arbitre, il faut dire qu'il a péché immédiatement après le premier instant de sa création, car les anges parviennent à la béatitude par un seul acte méritoire, et, dans notre hypothèse, tous les anges, créés dans la grâce, auraient mérité et obtenu la béatitude par ce seul acte, s'il n'y avait mis obstacle en péchant. Mais si l'on admet, au contraire, que les anges n'ont pas été créés dans la grâce, ou que, dans le premier instant de leur existence, ils n'ont pas pu produire un acte de libre arbitre. Rien n'empêche alors de mettre un certain intervalle entre leur création et leur chute. Note. Le premier instant de l'existence des anges fut la perception de leur être par la connaissance vespertinale. Jusque-là tous furent dans le bien. Après ce premier acte, les uns se tournèrent vers le Verbe pour lui rapporter la gloire de leur être, voilà la connaissance matutinale. Les autres, enivrés d'orgueil, restèrent en eux-mêmes et devinrent ténèbres. Telle est l'explication de saint Augustin. Fin de la note. 7. Le plus grand parmi les anges rebelles était-il le premier des anges? L'ange qui a péché le premier commandait, dit saint Grégoire, à toute la milice céleste, et surpassait tous les autres en lumière. Saint Damascène, il est vrai, a pensé que le plus grand de ceux qui ont péché présidait à l'ordre des choses terrestres, et son opinion n'est pas contraire à la foi. mais le sentiment de Saint Grégoire, dans lequel on considère ce qui a fait tomber les anges, c'est-à-dire l'orgueil, paraît plus probable. L'orgueil fut, en effet, nous l'avons dit, le premier péché des démons. Par cette raison, nous admettons que l'ange prévaricateur était le premier de tous, sans condamner l'autre opinion, d'autant plus que le chef des anges inférieurs a pu avoir des motifs particuliers de prévarication. Note. Il ne faut pas objecter que, d'après notre sentiment, Dieu y aurait été trompé sur la plus noble de ses créatures. Les desseins de Dieu ne sont trompés ni dans ceux qui font le bien, ni dans ceux qui font le mal. Le Très-Haut a vu d'avance tout ce qui arrive. Le sort des bons et des méchants fait également éclater sa gloire, soit qu'il sauve les uns dans sa bonté, soit qu'il punisse les autres dans sa justice. Que la créature intellectuelle s'écarte de sa fin en péchant, rien en cela ne répugne à sa nature, quelque élevée qu'elle soit, puisque toutes sont ainsi faites qu'elles peuvent, à leur gré, agir en vue de leur fin ou s'en écarter. Fin de la note. 8. Le premier ange, par son péché, a-t-il été la cause de la prévarication des autres? Il est écrit, le dragon entraîna la troisième partie des étoiles du ciel. Apocalypse 12, 4. Cela signifie que le premier ange causa le péché des autres par son exemple, qui fut pour tous une sorte d'exhortation. Un fait qui en semble la preuve, c'est que tous les démons lui sont soumis maintenant comme à leur chef, ainsi que nous le voyons dans cette parole du Seigneur, « Allez, maudit, au feu éternel qui a été préparé à Satan et à ses anges. » Matthieu 25, 41. Que les mauvais anges, tout orgueilleux qu'ils étaient, aient pu consentir à se soumettre à l'un d'entre eux plutôt qu'à Dieu, c'est ce que l'on concevra, si on veut considérer que les orgueilleux se soumettent volontiers à un inférieur quand ils espèrent trouver plus de puissance sous sa domination. 9. Les anges qui péchèrent sont-ils aussi nombreux que ceux qui persévérèrent dans le bien? La nature obtient son effet, sinon toujours, du moins la plupart du temps. Or, le péché est contre l'inclination naturelle. Ce qui est contre la nature n'existant que dans le petit nombre, il ne paraît pas que le nombre des anges rebelles ait égalé celui des anges fidèles. Il est vrai que le mal, selon la remarque du philosophe, se trouve dans plus d'hommes que le bien, mais c'est par une suite des jouissances sensuelles qui captivent le grand nombre. Or, les anges, dont la nature est purement intellectuelle, n'avaient point cette inclination à combattre. Cette raison ne leur est donc pas applicable. Note. Les vides que les anges rebelles ont laissés par leur défection, les hommes sont appelés à les remplir. On regarde comme probable qu'il y a eu des déserteurs dans tous les ordres, c'est du moins l'opinion de ceux qui admettent que le premier esprit rebelle commandait à toute la milice céleste. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.